sorte de la grand boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, c'est toujours de la merde. Et tiens. Salut, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du magazine Libertaire. Ici, on cause d'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaye de donner la parole à celles et à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans les médias d'habitude. Alors le Maglib est diffusé tous les mercredis de 12h05 à 13h30 sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Comme nous sommes en direct, vous pouvez nous contacter par téléphone pendant l'émission au 02 28 25 23 88 ou nous envoyer des mails sur notre adresse à maglib@riseup.net. Vous pouvez aussi nous retrouver nos podcasts sur notre site maglib.noblogs.org. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, le déroulé de l'émission, je vais vous annoncer le déroulé de l'émission. Nous sommes donc le 6 novembre. Nous allons commencer par le billet de Martin, donc qui concerne les lobbies. Nous allons parler des hébergements, notamment d'un collectif d'hébergement en danger du côté dans le Rhône, du côté de Lyon. Nous allons parler aussi d'un communiqué des sans-papiers de la rue Barra à Montreuil. Nous continuerons avec une discussion, un sujet autour de l'allocation des demandeurs d'asile et les nouvelles mesures à l'encontre des exilés. Et nous terminerons par une présentation d'un nouveau journal qui s'intitule « À travers, creuser les murs, brûler les frontières » et nous finirons par les annonces. Ok, eh ben, on va enchaîner direct avec le billet foutraque. Objectivement, il n'existe à l'heure actuelle aucun sens connu à la vie, sinon sa perpétuation, ce qui en soi ne semble pas être un but farouchement défendu par l'ensemble de l'espèce humaine. Ça se saurait. Il faudrait pour cela une unité suffisamment partagée pour l'atteindre. Premier écueil. Il faudrait en outre un super-pouvoir nous permettant d'envisager l'avenir à long terme, ou au mieux à moyen terme. Mais ça non plus, nous ne l'avons pas. La faute à de mauvaises connexions neuronales, construites avant tout pour nous aider à nous défendre face à des dangers imminents. Le fameux instinct de survie. Pas de chance. Tant pis. Mais heureusement, il n'existe quasiment aucun prédateur capable de susciter de tels dangers, puisque ce magnifique cerveau, dont chaque sapiens est doté, nous a élevés au sommet de la chaîne alimentaire. Quasiment, parce qu'évidemment, faudrait pas nous omettre de l'équation. Le coup classique du gag de l'arroseur arrosé. À la nuance près que notre espèce compte une poignée d'arroseurs capables d'éclabousser plusieurs milliards d'arrosés. Théoriquement, le comportement de cette poignée apparaît pour le moins irrationnel. Pratiquement aussi. Pourtant, il faut se le dire. Dans notre monde, une infinitésimale quantité d'individus responsables se fouent éperdument des conséquences criminelles de leurs actes, tant que leur jouissance présente s'en trouve assouvie. Pourquoi ? Leurs profils et leurs motivations sont multiples. Quête de pouvoir brut, revanche sociale, psychopathologie misanthropique, ethnocentrisme primaire, etc. La liste est longue et rébarbative. D'autant qu'à part trouver quelques excuses à ces névrosés patentés qu'ils s'ignorent qu'au réveillon de Noël, et encore lorsqu'ils ne reprennent pas deux fois des moules, cela ne nous aide guère à trouver des solutions pour nous sortir de ce bourbier crasseux nous servant de quotidien. Mais au moins pourrions-nous tenter de cerner les domaines particuliers dans lesquels cette frange de l'humanité se niche et y excelle au profit du intérêt général. Je sais pas vous, mais personnellement, j'ai toujours eu une curiosité, certes un peu malsaine, mais bon, pour le coup, personne n'est parfait, envers cette caste étrange et nuisible que constituent les lobbyistes. Ouais, je me suis toujours demandé comment on pouvait en arriver à un tel degré de déchéance. Quelle infortune il fallait avoir subi pour que le destin ne mène jusqu'à ce cul-de-sac affectif que constitue la résignation d'une vie fondée sur la défense d'intérêts financiers privés, même pas à soi, au mépris de l'intérêt de la population. Voire, dans les pires des cas, au profit d'un empoisonnement mortel, généralisé et conscient de ses semblables. Bon, d'aucuns diront que mon angle d'attaque sur la question des lobbies apparaît dès le départ quelque peu orienté. Je le confesse, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il paraîtrait, soi-disant, que coexistent dans le même univers le bon lobbyiste ainsi que le mauvais lobbyiste. Et si cela devait s'avérer, alors, à l'instar du chasseur, je préférais tout simplement m'intéresser ici particulièrement au mauvais, car en tant que quasi-totalité de son sous-groupe, il représente une menace un chouïa plus flippante que l'autre, qui lui sert par ailleurs d'alibi, afin de pouvoir continuer à survivre sur la base d'un perfide « nous ne sommes pas tous mauvais ». Bon, trêve de bavardage faussement disculpatoire. Demandons-nous plutôt qui sont réellement les lobbyistes et ce qu'ils font au quotidien. On les retrouve tout d'abord rodant l'écume aux lèvres alentour des sphères du pouvoir politique. Car il faut rappeler que leur mission consiste prioritairement à infléchir la légalité dans le sens qui convient aux intérêts qu'ils défendent. Or, quoi de mieux que d'aller boire directement à la source plutôt que d'attendre fébrilement que l'on nous serve un verre d'eau, sans en outre avoir l'assurance qu'elle soit vraiment fraîche. L'idée, c'est donc d'aller orienter les décisions politiques afin de se débarrasser des lois contraignantes et de s'assurer, au contraire, que les lois arrangeantes soient votées. C'est pas facile, certes. Mais avec l'apport de quelques avantages pécuniaires ou en nature, lobbyistes et politiciens arrivent généralement assez vite à s'entendre, et in fine, à se comprendre. Car il existe bel et bien des similitudes entre les deux branches malfaisantes de cette famille. Issus en grande partie des mêmes milieux sociaux, essentiellement la bourgeoisie économique, des mêmes cursus universitaires, école de commerce, droit international, relations publiques ou sciences politiques, etc. Lobbyistes et politiciens, quand bien même ils s'affrontent au quotidien, et comptent de nombreuses similitudes parmi lesquelles un jargon et des codes similaires hérités de leur formation commune. Une même idéologie fondée sur une absence intégrale d'idéologie, sinon celle que leurs employeurs ou supérieurs les payent à défendre. Mais aussi et surtout des objectifs identiques, à savoir une place au chaud et un bon salaire au sein des arcanes du pouvoir. Et le plus haut possible, évidemment. Et oui, plutôt que de les opposer, comme on le serait tenté, mieux vaut voir le poste de lobbyiste comme une rampe de lancement vers des fonctions politiques et administratives plus attrayantes. Une étape pour se faire les dents avant de sauter la barrière et de se tenter une carrière de bureaucrate ou de parlementaire. C'est en tout cas un modèle particulièrement pérenne au Parlement de Bruxelles, place forte de l'Europe où le lobbying prospère. La faute, disent les parlementaires, à leur propre carence. C'est que, pour bien légiférer, il faut connaître son sujet. Or, même s'ils sont grassement payés pour ça, ils trouvent que cela fait quand même beaucoup de boulot, si on omet la possibilité de se faire mâchouiller le travail, puis de le se faire ingurgiter directement dans le fin fond du gosier. Alors certes, on ne choisit pas le menu, et bien souvent, on ne retrouve pas vraiment le goût des aliments. Mais bon, quel besoin de faire la fine bouche. En tout cas, c'est ainsi que ces parlementaires rassurent, pour ceux qui en ont encore un petit peu, leur conscience politique. Ils ont besoin de spécialistes pour leur expliquer les points techniques, afin d'appuyer sur le bon bouton à l'heure fatidique du vote de la loi. Et c'est déjà une sacrée responsabilité. L'autre argument massu dans nos gueules, c'est l'objectivité du politique. Car en tant que bon démocrate, il faut absolument qu'il rencontre tout le monde. Les ONG et autres acteurs de la société civile, censés défendre les intérêts de la population. Mais aussi les industriels, qui eux, de fait, ne sont pas là pour défendre les intérêts de la population. Puis, le politique mélange les divers arguments qui lui ont été soumis et choisit, en son âme et conscience, la voie la plus vertueuse en faveur de l'intérêt général. Mais non, je déconne. Il fait comme tout le monde. Il écoute, puis observe qui paye le mieux, fait ses comptes et au final, choisit les industriels et leurs virements bancaires vers les paradis fiscaux. Parce que de toute façon, tout le monde le fait. Et pourquoi lui, et seulement lui, sous couvert d'intégrité ou d'humanité ou de je sais quel concept abstrait, donc inexistant, devrait-il se priver de petites, toutes petites compensations qui ont l'avantage, elles, au moins, d'être bien concrètes? Et puis, si vous n'êtes pas content, c'est probablement parce que vous êtes jaloux, ou bien pensant, ou même pire, anarchiste. Tentons de regagner sobrement notre calme. Donc, pour les lobbyistes, les méthodes visant à convaincre les personnalités politiques d'adhérer à la cause de leurs employeurs ne se limitent pas, loin de là, à des versements d'argent. Vous savez ce que c'est, l'argent, ça va, ça vient, 1 million récupéré par-ci, 3 millions dépensés par-là, ça va vite. Non, les lobbyistes ont compris qu'il fallait s'adapter à la demande afin de réussir à séduire ces décideurs dociles mais gourmands, leur proposant désormais, en guise d'hameçon cadeau, des invitations spéciales en vue d'améliorer leur visibilité et donc leur image publique pour les politiciens ambitieux ou encore en pleine ascension. Mais aussi la présidence de colloques organisée clé en main, où il ne reste qu'à tendre la main pour recueillir le prestige social qui en découle. Ou pour les plus gros poissons, plus difficiles à ferrer, des postes à forte rémunération pour un minimum d'activité dans des conseils d'administration de grosses entreprises lorsqu'ils arrivent à la fin de leur mandat. Bon, comme vous l'aurez compris, être lobbyiste en Europe en 2019 n'a rien d'une sinécure. Aux conditions de travail déplorables, qui leur font même envier celle pourtant minable des bureaucrates bruxellois, à la réputation sulfureuse qu'ils doivent se traîner sans même pouvoir avouer à leurs enfants la réelle nature de leur vrai métier, s'ajoutent des émoluments ridicules, ne les faisant qu'à peine et seulement entrer dans la tranche des 10% des salariés les mieux rémunérés actuellement. Alors que pourtant, ce sont eux les vrais responsables. Le rouage essentiel qui a si longtemps manqué à l'humanité pour faire le pont entre les décideurs politiques et les patrons des grandes industries. Oui, ce sont eux qui font avancer le monde aujourd'hui. Vers le précipice, certes, mais au moins, ils avancent eux, comme dirait ma mère. Mais là, je m'égare. Allez, la semaine prochaine, on se resserre une nouvelle plâtrée foutraque de lobbying, avec une seconde partie particulièrement consacrée au développement historique des lobbies, ainsi qu'à quelques-uns de leurs grands faits d'armes. Vous verrez, ça sera pénible, mais ça sera chouette quand même. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne réfléchissez pas trop. La canaille, nous sommes à bout, nous sommes fourbus, nous crevons, nous n'en pouvons plus. Vaut mieux que notre carcasse s'en aille avec nos filles et nos garçons. C'est notre linceul que nous tissons, c'est notre linceul, c'est notre linceul que nous tissons. Abat le patron et la patrie qui nous tiennent sous les barreaux. Les contremaîtres sont nos bourreaux. Faut pas qu'on souffre ni qu'on crie avec nos filles et nos garçons. C'est leur linceul que nous tissons. C'est leur linceul, c'est leur linceul que nous tissons. Votre armée est notre ennemi, les sergents en sont les geôliers. Nous tisserons sur nos métiers ton linceul aux vieilles patries. Avec nos filles et nos garçons, c'est ton linceul que nous tissons. C'est ton linceul, c'est ton linceul que nous tissons. Oui, vous êtes dans l'émission du magazine Libertaire. Maintenant, je voulais parler d'un texte, retranscrire un texte que j'ai trouvé sur rébellion.info. Et c'est un texte émis par un collectif d'hébergement en danger. C'est un collectif qui s'est constitué, en fait, et qui souhaite alerter sur la situation dramatique de l'hébergement dans le Rhône. Donc, il rappelle le système mis en place aujourd'hui. C'est lorsqu'une personne ou une famille se retrouve sans abri, elle peut demander un hébergement à la maison de la veille sociale. En fonction du droit au séjour de la personne ou de la famille, il lui sera possible d'accéder soit à des places dites d'insertion, c'est pour les personnes qui ont des papiers, soit à des places d'urgence, pour les personnes qui sont sans papier. Actuellement, sur le Rhône, il y a 1750 places d'insertion et 3000 places en urgence. Et actuellement, l'hébergement est dit continu et inconditionnel. Il est continu parce que la personne est hébergée pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution plus adaptée. Et inconditionnel parce que toute personne sans abri a droit à un hébergement, sans condition de nationalité ni de régularité de séjour. Ces dispositions sont inscrites dans la loi, donc du Code de l'action sociale et des familles, et elles ont été obtenues par la mobilisation et la lutte des personnes à la rue et des professionnels de l'urgence sociale. Ce système n'est pas formidable du fait d'un manque chronique de places d'hébergement et de logement. Aujourd'hui, à Lyon, il y a 8000 dossiers qui sont en attente, sans oublier 1800 personnes qui ont appelé 115 et qui n'ont pas de solution. Le délai pour obtenir une place d'urgence est actuellement de 1 an et demi à 3 ans et de 8 mois en moyenne pour une place en insertion. Donc actuellement, il y a une remise en cause de la conditionnalité et de la continuité de l'accueil. Le collectif dit « Nous sommes face à un changement d'ampleur dans l'hébergement des personnes sans abri ». La préfecture du Rhône vient d'annoncer la remise en cause de l'inconditionnalité et de la continuité de l'hébergement. Le préfet veut réinstaurer de la fluidité dans l'hébergement. Fluidisons ça évidemment entre guillemets parce que c'est pas vraiment les termes qu'utilise donc le collectif, mais ce sont les termes du préfet, de la préfecture. Mais donc le préfet veut réinstaurer de la fluidité dans l'hébergement, mais sans augmenter le budget. Donc face au manque de place, il a décidé tout simplement de ne plus héberger la majeure partie des personnes qui sont en demande d'hébergement. Donc actuellement, il y a des nouvelles mesures annoncées. Donc beaucoup moins de places en urgence, donc pour les personnes sans papier. Les places en urgence vont être transformées en places en mise à l'abri, désormais réservées, qui seront réservées aux personnes considérées par la préfecture comme vulnérables, c'est-à-dire donc les femmes enceintes, mais enceintes au troisième trimestre, les enfants de moins de 1 an et les personnes atteintes de maladies graves. Et les places en urgence seront soumises à des contrats de 2 mois renouvelables. C'est-à-dire que donc la vulnérabilité, donc ce qu'ils appellent la vulnérabilité entre guillemets, donc, sera réévaluée tous les 2 mois. Donc pour les travailleurs sociaux, les travailleurs et travailleuses sociaux, donc, mais aussi pour toutes les personnes en lien avec les personnes privées de domicile, donc, un salarié donc, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale urgence devra donc, tous les 2 mois réévaluer donc, ce qu'ils appellent la vulnérabilité des personnes qu'elle accompagne et transmettre des preuves de cette vulnérabilité. Donc, ils dénoncent tout ça. Et si elle n'est pas reconnue, ils seront obligés de mettre les personnes à la rue. Donc, ce que ne veulent pas justement, ce collectif de travailleurs sociaux. Un salarié d'un accueil de jour ou d'une maison de la métropole devra expliquer à un grand nombre de personnes que jamais elles n'auront droit à un hébergement. Parce qu'évidemment, elles ne rentrent plus dans les cases. Et l'accompagnement donc, se bornera à ouvrir des droits santé orientés sur des dispositifs humanitaires. Du coup, le collectif n'accepte pas cette remise en cause donc, de la loi, mais aussi du sens même de leur travail. Ils disent qu'ils ne seront pas les rouages d'un système discriminatoire, injuste et mortifère. Et face à ces constats dramatiques, ils demandent donc un hébergement continu et inconditionnel donc pour toutes les personnes qui sont à la rue, le retrait des dispositions discriminatoires et injustes, un logement digne et salubre pour toutes et tous et l'augmentation significative du nombre de places d'hébergement. Alors, si les auditeurs se trouvent du côté de Lyon, donc vous pouvez avoir des infos sur rebellion.info. Mais ce collectif organise aussi une soirée discussion, rencontre, justement, qui s'intitule « La fin de l'hébergement d'urgence dans le Rhône, comment lutter ?» Et ça se passe le mardi 12 novembre, donc c'est du côté de Lyon. Il y a un mail, collectifhébergementendanger@gmail.com. Et pour se mobiliser, donc pour que les personnes ne restent pas à la rue et que tout le monde ait un logement. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Depuis que l'expulsion a eu lieu, nous n'avons pas vu le maire ni sa parole. Nous disons que le maire a battu un record en nous proposant le hangar au 138 rue de Stalingrad et en nous disant que ce logement était une bonne solution. Il a mis 90 lits dans une seule chambre, record battu. Il a mis 274 personnes dans cette chambre avec seulement deux toilettes, record battu. Et tout ça sans douche ni salle de bain, record battu. L'électricité est mal protégée. En cas d'incendie, c'est un cimetière. Le toit fuit quand il pleut, l'eau coule dans nos lits. Tous les médecins de Montreuil doivent se préparer, car dans ce hangar, qui est comme un hangar pour les moutons, tout le monde va tomber malade. On ne respire pas de l'oxygène, mais du gaz carbonique. Beaucoup d'entre nous dorment par terre, même les anciens, car ils n'ont pas de papier. Il n'y a pas de fenêtre pour la lumière ou pour respirer. Nous ne sommes pas satisfaits de cette solution pour le logement. Même les chiens ne voudraient pas dormir ici. Les délégués actuels qui parlent avec la mairie ne sont pas des chefs. Ils sont les chefs de ceux qui ont des papiers. Ils ne représentent pas les sans-papiers. Nous, les sans-papiers, voulons décider pour nous-mêmes. Nous, les sans-papiers, nous, les sans-logements, on veut parler directement au maire, sans intermédiaire. Notre combat n'est pas celui des Maliens. Il y a aussi des Sénégalais, des Mauritaniens, des Guinéens, des Ivoiriens. Depuis qu'on a commencé le combat, le consulat malien n'est jamais venu nous voir et n'est au courant de rien. Le ministre des Affaires étrangères du Mali est venu nous voir dans ce bâtiment. Il est venu pour féliciter la mairie et dire que ce bâtiment était une bonne solution. Nous l'avons chassé et nous avons refusé sa parole car il ne représente pas les Maliens qui souffrent en France. L'ambassadeur, le consul et le ministre des Affaires étrangères sont les premiers facilitateurs des déportations des Maliens. On ne les écoute pas car ils collaborent avec la France qui est un État raciste. Eux, ils viennent passer leurs vacances en France dans des hôtels 5 étoiles et c'est nous qui souffrons. Monsieur le maire, nous réclamons nos droits. Vous nous mettez dans un hangar, vous nous obligez à rester dedans, vous nous menacez d'appeler la police et vous nous agressez même physiquement ainsi que les soutiens qui sont dans notre combat. Les délégués menacent les sans-papiers et essaient d'empêcher que nous fassions un rassemblement devant la mairie, comme si on n'avait pas le droit de réclamer nos droits. Liberté, égalité, fraternité. Où est notre liberté dans ce logement qui est pire qu'un centre de rétention? Vous vivez dans votre château. Où est l'égalité? On aura l'égalité et la fraternité quand on aura des papiers et des logements pour tout le monde. Nous demandons que le maire descende de sa mairie pour parler avec tout le monde. Nous ne voulons pas qu'une délégation soit reçue. C'est le maire qui doit venir parler devant tout le monde, que tout le monde l'entende. On ne veut pas d'intermédiaire ou de porte-parole, car nous avons une mauvaise expérience des délégués. On refuse aussi de parler avec les adjoints qui nous ont trop menti, en français ou en bambara, et qui nous ont trop parlé pour nous diviser, nous manipuler et nous enlever nos droits. Nous voulons parler uniquement au maire. On ne bougera pas tant que nous n'aurons pas vu le visage du maire et entendu sa parole pour qu'il trouve un autre bâtiment dans sa ville. Il y a beaucoup de logements vides et disponibles dans sa ville. Nous voulons des papiers et des logements pour tous. Nous ne voulons pas discuter ou négocier car tout est clair dans notre lettre. Nous voulons simplement une réponse en pratique. Nous demandons un engagement écrit, signé et tamponné par la mairie pour qu'ils nous trouvent dans un délai de 3 jours un logement digne pour les 274 personnes, avec des cuisines, des salles de réunion, un peu d'intimité et suffisamment de toilettes et de douches. Si le délai n'est pas respecté, nous réagirons autrement. Donc, papier et logement pour tous et toutes, les habitants sans papier du foyer Barra en lutte. Donc, je trouve intéressant de lire ce texte parce qu'en fait, ça représente bien la situation de plusieurs groupes, enfin tous les sans-papiers en fait, pas seulement celui de Montreuil. En fait, c'est une situation qu'on retrouve dans plusieurs villes de France. Vous pouvez donc suivre les informations de ces personnes qui appellent à soutien donc sur paris-lutte.info. Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires.

On va commencer par rappeler que les personnes qui demandent l'asile en France n'ont pas le droit de travailler pendant les 6 premiers mois qui suivent leur demande. Ils et elles doivent donc survivre avec l'allocation pour demandeurs d'asile qui est versée aux demandeurs et demandeuses d'asile à condition qu'ils soient majeurs, qu'ils en fassent la demande et qu'ils aient accepté d'entrer dans un espèce de contrat avec l'OFI. On ne va pas rentrer en détail dans tout ça, mais il y a plein de documentation là-dessus sur Internet que je vous invite à lire. Le montant de cette allocation de demandeuse d'asile, il est d'environ 200 euros pour une personne seule, auquel s'ajoutent 220 euros environ pour les personnes à qui l'État n'a pas proposé de logement ou d'hébergement. Et cette allocation demandeuse d'asile, elle est revalorisée en fonction du nombre de personnes qui composent la famille qui le demande. Ainsi, pour une famille de 6 personnes, son montant est de, tenez-vous bien, un peu plus de 710 euros. Le montant accordé aux personnes qui n'ont pas de proposition de logement, lui, ne change pas. Donc, pour toujours une même famille de 6 demandeurs et demandeuses d'asile sans logement, le montant, du coup, de cette allocation est de 930 euros. 930 euros pour vivre à 6 personnes. Vous avez bien entendu, 930 euros pour 6 personnes. Et comme si la situation des personnes n'était déjà pas assez précaire, cette allocation, elle peut être suspendue. Comme par exemple si on ne se présente pas aux convocations des autorités ou encore si on ne se rend pas dans son lieu d'hébergement sans motif légitime. Qui c'est qui décide de la légitimité du motif, ça ? C'est pas toujours raconté. Cette allocation, donc, depuis 2016, elle était versée sur une carte de retrait avec 5 retraits autorisés par mois. C'était déjà pas super confortable et de nombreux dysfonctionnements étaient déjà signalés, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir retirer le montant total de l'allocation quand celle-ci dépasse les plafonds de retrait, ou le fait que les consultations de solde de la carte soient facturées au-delà des 5 retraits autorisés, même quand on n'a plus d'argent sur la carte. Donc c'était déjà pas super en fait ce système de cartes de retrait. Et ben plutôt que de l'améliorer, le gouvernement en fait a décidé de compliquer le système. Il a décidé de compliquer ce système et de pourrir encore plus la vie des demandeurs et des demandeuses d'asile en remplaçant cette carte de retrait par une carte de paiement qui ne permet plus les retraits en espèces, ni les virements, ni les achats sur Internet et qui permet de faire des achats uniquement dans les commerces équipés de terminaux de paiement. Je vous laisse donc réfléchir aux implications d'une telle mesure sur la vie quotidienne des personnes concernées. Le gouvernement se défend de vouloir faire des économies sur le dos des demandeurs et demandeuses d'asile et avance l'argument du racket. Oui, si le gouvernement empêche les demandeuses d'asile de retirer de l'argent en liquide, c'est pour leur bien, c'est pour qu'ils ne se fassent pas racketter, bien sûr. Bon, le gouvernement a lui-même battu en brèche son propre argument en affirmant que c'était possible finalement de retirer de l'argent liquide en faisant ce qui s'appelle du cashback. Alors vous vous demandez sûrement ce que c'est que le cashback. Le cashback, ça consiste à payer plus que ses achats quand on fait des courses dans un magasin et de demander la monnaie en liquide dans la mesure, dans la limite, pardon, de 60 euros. Par exemple, j'ai fait 5 euros de course, je peux demander à payer 50 euros en carte et qu'on me rende 45 euros en liquide. Donc, ouf, finalement, cette carte de retrait ne va pas priver les demandeurs et demandeuses d'asile d'argent liquide. Sauf que tous les magasins ne pratiquent pas le cashback et que pour le moment, il n'existe aucune liste des magasins qui le pratiquent. Une partie des géants casinos et des casinos le font, sachant qu'on ne trouve pas ces magasins partout, que les géants casinos sont souvent en périphérie des villes et donc difficilement accessibles, et que les espèces de supérettes casinos sont hors de prix. La réponse du gouvernement est encore une fois complètement à côté de la plaque, et cette mesure, je le rappelle, va bien pourrir la vie des demandeurs et demandeuses d'asile. Pour finir sur cette histoire de cartes, et parce que je trouve important de nommer celles et ceux qui font du profit avec la misère, je tenais à dire que c'est le groupe Up qui est prestataire et qui fournit les cartes sur la base de listes établies chaque mois par l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le groupe Up, c'est une scop qui fait aussi dans les chèques déjeuner et les chèques cadeaux et dont le chiffre d'affaires était de près de 165 millions d'euros en 2017. On va maintenant attaquer la deuxième partie de ce billet en parlant des annonces qui vont être faites par le Premier ministre concernant la politique de la France à l'encontre des exilés. Je dis bien à l'encontre des exilés parce qu'il serait étonnant que les mesures annoncées viennent faciliter la vie des exilés. J'ai pas pu regarder si les annonces avaient déjà été faites, mais hier, quelques mesures étaient dévoilées dans la presse et ont fait parler d'elles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je trouve ça important de rappeler que la loi Asile et Immigration votée en septembre 2018 avait déjà bien attaqué les droits des exilés en France, par exemple en doublant la durée de détention dans les centres de rétention administrative, en mettant en place le fichage des mineurs exilés, la légalisation de la détention en centre de rétention des enfants ou encore l'assignation à résidence, de personnes ayant reçu des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français. Pour ne citer que quelques-unes des dispositions de la loi Asile et Immigration. Les nouvelles mesures donc qui vont être annoncées vont sans surprise durcir encore plus à la politique de la France vis-à-vis des exilés. Le gouvernement parle de quotas, de mise en place de quotas. Il s'agit pour le gouvernement de remettre au goût du jour l'immigration choisie, si chère à Nicolas Sarkozy et à son ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale, j'ai nommé l'inoubliable Brice Hortefeux. L'idée est de dresser des listes de métiers dits en tension, donc des métiers qui auraient du mal à recruter, et des quotas d'exilés qui seront autorisés à venir travailler en France pour exercer ces seuls métiers. Notons que même Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait été obligé d'abandonner cette idée. Une autre mesure qui a été dévoilée hier consiste à entraver l'accès aux soins pour les exilés en mettant en place un délai de carence pour accéder à la protection universelle maladie, la PUMa, ouais, nos dirigeants ne manquent pas d'humour. Si cette mesure est validée, il faudrait attendre 3 mois quand on est demandeur-demandeuse d'asile pour accéder à des soins. 3 mois. Et quand on est exilé mais pas demandeur d'asile, et ben là, l'idée c'est d'imposer la nécessité d'un accord de la sécurité sociale pour tous les soins qui ne sont pas considérés comme urgents. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter là, il veut aussi s'en prendre au regroupement familial en durcissant les conditions de son accès, qui est déjà bien restreint au remplissage d'un certain nombre de conditions et dont la procédure est compliquée. En tout, ce sont une vingtaine de nouvelles mesures qui, si elles sont adoptées, vont encore plus mettre dans la galère les exilés. Parce que oui, quand ce gouvernement, comme les précédents, décide de s'occuper des exilés, c'est pour les mettre encore plus dans la merde. On vous propose une petite pause musicale avant de passer à la suite du programme. C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? On nous dit c'est complet, c'est plein, on ne sait déjà pas que faire. Des sans-papiers, des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres. C'est facile de tendre la main, où s'arrêtera la surenchère? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Pas de quoi, dit-on, en faire un foin, hurler à la chasse aux sorcières. Qui n'a pas son lot de pépins, de tracas et de vents contraires? Chacun chez soi, c'est plus serein, faut se méfier du chien qui erre. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Paraît d'ailleurs que les bohémiens, c'est dans leur gêne le goût de l'air. Que leur liberté, ça ne vaut rien que le prix d'un vol en charter. Il y a des lois, c'est bien le moins, même sur une terre hospitalière. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Bien sûr, tout le monde convient qu'il y a de pires gangsters que ces ramassis, ces vauriens, voleurs de poules, de pommes de terre. Pour les plumés, eux, pas moyen, ils n'ont pas de compte bancaire. Est-ce pour ça que c'est plus humain de les reconduire aux frontières ? C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières ? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières ? Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur JetFM 91.2. Alors maintenant, je voulais présenter un journal que j'ai trouvé sur le net. C'est la parution du journal À Travers. Donc À Travers, c'est un petit journal contre les frontières qui est disponible en ligne et dans la rue. Donc il y a une adresse à l'infokiosque, infokiosque.net. Et le journal est présenté comme ceci. Ici comme ailleurs, les actes de résistance et de révolte face à ce monde de frontières ne manquent pas. Nous sommes solidaires de ces actes et souhaitons partager quelques-unes de ces histoires de solidarité et d'insoumission, mais aussi raconter comment se concrétisent les frontières au quotidien. Celles-ci divisent, enferment et tuent. Elles hiérarchisent les vies et n'existent que pour maintenir l'autorité des puissantes sur tout et toutes les autres. Barrières naturelles, murs et postes frontières entre les États, elles se matérialisent sous plein d'autres formes, en dehors de ces lignes géographiques et politiques. Les flics qui raflent et contrôlent dans les rues ou dans les transports en commun, les juges qui enferment dans des centres, les entreprises et associations qui collaborent avec les États, etc. Cependant, qu'elles soient perpétuellement renforcées, elles sont constamment attaquées et souvent déjouées. Donc, j'ai le numéro 1 sous les yeux. Je pense que je peux lire quelques articles donc, qui sont parus dans ce numéro 1 du journal À Travers. À Travers, creuser les murs, brûler les frontières. Donc, il y a un article qui s'intitule « De Rennes à Paris, feu au centre de rétention ». Les mouvements de révolte des détenus à l'intérieur des centres de rétention administrative, donc ce qu'on appelle les CRA, prennent différentes formes. À l'oppression carcérale, propre à toutes les tôles, s'ajoute dans les CRA la menace de l'expulsion. Tout ceci pousse les retenus jusque dans leur dernier retranchement, le suicide ou l'automutilation. Dans ces espaces où le contrôle de l'autorité est décuplé, les grèves de la faim sont malheureusement fréquentes. Néanmoins, elle donne l'occasion de se rencontrer, ce qui peut permettre de s'organiser collectivement au sein du CRA et peuvent être suivis ou accompagnés d'autres moyens d'action collective. Début mai, des retenus du CRA de Rennes ont mis le feu à des matelas, rendant inutilisable presque la moitié des cellules. Grâce à eux, pendant quelques temps, on a moins enfermé à Rennes. Les révoltes entraînent souvent leur lot de répression. En l'occurrence, 5 personnes ont été condamnées à de la prison ferme, allant de 7 mois à 2 ans. Mais la répression n'empêche pas les révoltes et les incendies de se propager. En juin, c'est au Ménil-Amelot, à proximité de l'aéroport de Roissy, qu'un incendie a été provoqué, détruisant un sous-bâtiment entier. En plus de mettre une partie des révoltés en garde à vue, la PAF, donc la police aux frontières, en a transféré quelques-uns dans d'autres CRA. Sûrement pour casser la dynamique de lutte. Au contraire, ces transferts permettent parfois de partager des expériences d'un CRA à l'autre. Début juillet, c'est une cellule du CRA de Vincennes à Paris qui a été cramée. Tous ces incendies, quelle que soit leur ampleur, constituent des actes de sabotage de la part des détenus afin de mettre hors circuit les prisons pour étrangers et étrangères. Ils sont souvent déclenchés pour s'opposer aux conditions de rétention et d'expulsion, aux vols cachés, donc les vols cachés sont les expulsions des détenus Donc les flics viennent chercher Okra par surprise au dernier moment pour éviter justement qu'il y ait des résistances de sa part ou de celle des résistances de la part des autres retenus. Alors, je disais, ils sont souvent déclenchés pour s'opposer aux conditions de rétention et d'expulsion, donc les vols cachés, les tabassages et insultes par les flics, la bouffe et l'hygiène dégueulasse. Ces incendies répétés caractérisent aussi une manière de lutter contre l'enfermement en lui-même, à travers l'attaque de ces structures par ceux qui la subissent. Pour saboter le bon fonctionnement des prisons dans lesquelles ils sont enfermés, les retenus utilisent aussi d'autres moyens, comme le fait de bloquer la promenade ou de dormir dans la cour. Les flics cherchent à diviser ce genre de révolte, comme au Ménilamlot, où ils poussent les détenus à faire plutôt des pétitions. Bon, pareil. Et cherchent à créer des leaders inexistants. Tant qu'il y aura des personnes enfermées, il y aura des cellules en feu. Donc ça, c'était donc le premier article donc, de ce journal. Et dans la présentation, j'ai parlé aussi, il parlait d'entreprises et d'associations qui collaborent avec les États. Donc là, il y a un petit article aussi sur une association qui s'appelle l'Association pour la défense de l'État et ses frontières. Donc en fait, c'est voilà, donc déjà rien que dans ce... ces titres disent qu'elle est, donc qui apparemment agit dans un foyer. Donc les foyers sont des lieux privilégiés par l'État pour affluer les sans-papiers, une sale besogne facilitée par la collaboration des entreprises gestionnaires. Donc il citait Qualia, Adoma, ADEF, donc ADEF, voilà, donc l'Association pour la défense de l'État et de ses frontières, etc. Dans certains cas, cette collaboration est bien huilée. C'est le cas au foyer de travailleurs migrants de Thiès, donc dans 94, où chaque année, l'ADEF autorise les flics à rentrer dans les parties communes pour arrêter les sans-papiers. À la mi-mai, 30 personnes ont été déplacées en CRA, donc en centre de rétention, suite à une rafle au foyer, où trois fourgons de keufs ont contrôlé tous ceux qui rentraient et sortaient. Tout ça donc sous les yeux de l'association. En plus de profiter de la misère des gens pour se faire du fric, les entreprises associatives comme l'ADEF, charronnières de la pauvreté, participent activement à faire tourner la machine à expulser. Je peux peut-être continuer un peu en attendant qu'on cale une pause musicale. Alors il y a aussi donc dans ce premier numéro de Journal à travers, il y a aussi des nouvelles donc de l'Europe, en fait. Donc là, il y a un article donc qui concerne les CRA donc de Turin et de Rome, qui s'intitule « Flammes et poudre d'escampette dans les CPR ». Donc les CPR, c'est l'équivalent du CRA donc, voilà, à Turin et à Rome. Début juillet, un retenu est mort dans la section d'isolement du CPR Corso Brunelleschi de Turin. Une révolte incendiaire s'est immédiatement répandue donc dans le CPR et des manifs en solidarité ont eu lieu dans les rues alentour. À la même période, des retenus de Ponte Galeria près de Rome se sont également révoltés et plusieurs d'entre eux ont réussi à s'évader. Voici un extrait d'un récit qui a été publié sur le site uria.noblogs.org. La section réservée aux hommes du CPR Ponte Galeria, rénovée et rouverte pendant environ un mois, a finalement été inaugurée dans les meilleures conditions. Entre le 5 et le 6 juillet, une grande révolte a éclaté dans cette section pour protester contre les conditions invivables du centre. Selon ce qui a été rapporté par la seule source disponible, c'est un article rédigé par un syndicat de Mâton, plusieurs dizaines de détenus, après avoir arraché des cloisons et des fenêtres, ont franchi et forcé la garnison Interforce, mobilisée pour la protection et la surveillance de la structure. Les fugitifs se sont dispersés dans la région. Certains ont été capturés et ramenés dans les cellules. Une semaine après, 12 personnes n'avaient toujours pas été retrouvées. Deux mois plus tard, donc toujours à Ponte Galeria, c'est en cramant leur geôle que d'autres ont regagné leur liberté. En effet, le 20 septembre dernier, les prisonniers ont mis le feu à leur matelas dans 4 des 6 sections du CPR et 2 sections ont finalement dû être fermées. Dans la foulée, 6 personnes ont été transférées dans d'autres CPR, 11 ont été expulsées et 28 autres ont été libérées en raison du manque d'espace utilisable. Alors, est-ce qu'on a une petite musique à diffuser ? Nous sommes toujours dans l'émission du magazine Libertaire. Je voulais rappeler quelques liens, en fait, par rapport à ce qu'on vient de parler. Donc, le journal à travers... Donc, je n'ai pas la fréquence, en fait, de la sortie de ce journal. Mais vous pouvez le retrouver sur infokiosque.net. Et s'il y a des personnes qui veulent avoir des informations aussi sur les CRA, les centres de rétention administratifs, et il y a un blog qui est Abat les CRA, tout attaché. Donc, CRA sans S. Abalekra, abaselescra.noblogs.org, qui a pour but de relayer les paroles collectives et individuelles de l'intérieur des CRA et qui se fait aussi l'écho des luttes de l'intérieur et des soutiens qui s'organisent partout en France et en Europe. Et je voulais rappeler aussi, par la même occasion aussi, qu'il existe aussi un bulletin mensuel qui s'appelle « Résistons ensemble ». Donc c'est Résistons contre les violences policières et sécuritaires qui existe depuis 2002 et qui œuvre contre les violences policières et sécuritaires. Et son but, le but de ce bulletin, c'est aussi d'informer, de briser l'isolement des victimes des violences policières et sécuritaires et de contribuer à leur auto-organisation. Donc c'est un mensuel. Celui d'octobre s'intitule « Société de vigilance, le piège raciste ». Et il y a aussi donc, y a des chroniques dont la famille Traoré, dont on a parlé récemment, là, qui est victime d'un acharnement. Il y a aussi une chronique qui s'intitule « L'histoire bégaye », c'est-à-dire qu'à Villers-le-Bel, donc le 6 octobre, il y a la police qui a voulu procéder à une interpellation. Et donc, il y a un jeune homme, Ibrahima Ba, qui arrive à moto à leur hauteur. Et la police affirme avoir demandé au jeune homme de ralentir. Il serait monté alors sur le trottoir, accélérant, avant de perdre le contrôle du véhicule et de chuter mortellement. Pourtant, il y a des témoignages en fait, du conducteur du véhicule qui suivait la moto, qui est tout autre que le témoignage des policiers, comme c'est vraiment le cas dans ce genre d'accident, entre guillemets. Voilà, apparemment d'après ce que dit le conducteur du véhicule qui suivait la moto, il dit qu'elle est entrée en collision avec un fourgon de police, donc la moto qui s'est déportée très rapidement. Voilà, le fourgon de police s'est déporté très rapidement sur le chemin du jeune homme. Et donc lui, il est sorti de la voiture, il a dit aux policiers qu'ils avaient fait un truc de fou. Et là, les policiers ont attrapé le col, ils l'ont poussé et en gros, ils lui ont dit de dégager. Et qu'il a été contraint à remonter dans son véhicule. Et voilà, donc ça s'intitule L'histoire bégaye parce que c'est à Villers-le-Bel aussi. Et du coup, c'est aussi dans cette ville qu'en 2007, donc le 25 novembre, que Lakami et Moussine, qui circulaient en mini-moto, ont aussi été percutés par un véhicule de police. Donc je vous laisse lire le. Je vous incite d'ailleurs à aller voir, à lire ce bulletin Résistons ensemble, qui est très intéressant et qui récapitule en fait tout ce qu'on peut énoncer ici, notamment au niveau du sécuritaire et des violences policières. Alors nous allons retrouver une pause musicale et ensuite nous passerons aux annonces. De tuer contre peine plancher. Ils veulent faire des exemples, réprimés dans le sang et les incarcérations. Nos gens se font descendre par des flics couverts, coupables, les livres en célébration. La justice et l'État donnent les instructions, pas d'hésitation envers la population. Devant des mois ou dans un coin de rue sombre, la mort donnée, ordonnée en exécution. Tu t'es révolté et t'es en 11 camarades, c'est des prisonniers politiques, les frères camarades. Mon combat c'est la vérité sur les crimes policiers avec les blessés, les prisonniers, je suis solidaire. Des noirs et des arabes en photo sur les murs, c'est pas des posters, c'est une politique sur mesure. Les faits sont les faits, on s'en sert pour défaire leur version, leur système judiciaire. Ils ont enfermé l'un d'entre nous, demain ce sera peut-être l'un d'entre vous. Permis de tuer contre peine plancher, la justice est corrompue, la balance est penchée. Ils ont assassiné l'un d'entre nous, demain ce sera peut-être l'un d'entre vous. Mobiliser des unis à Villiers, de Lille à Marseille, la police doit plier. Les rappeurs n'ont plus de messages, ils ont plus de texto. Que de l'ego trip, croix ghetto, des textes pauvres. On rappe trop vrai, comme à l'époque de la côte est. La haine progresse autant que les grammes des keufs dans la côte est. On vient crier, on se fait piller. Faut dénoncer qu'on soit des milliers. Même si t'es pas de Villiers, on se fait baiser depuis l'époque des grands-parents. L'État n'est pas transparent, ils nous répondent qu'en tirant. Parfois la violence vaut mieux que le silence. Elle prouve ton existence. Quand la justice brille par son absence, la banlieue sort le AK-47. On n'est qu'une parenthèse, mais devant les banques qui se taisent. J'ai fait un rêve, voir tous les condés ensemble. Mes condoléances, introuvables comme un Congolais blanc. Les frères en tôle, ça rassure l'opinion publique. La corruption survit là où l'horizon t'oublie. Ils ont enfermé l'un d'entre nous, demain ce sera peut-être l'un d'entre vous. permis de tuer contre peine planchée. La justice est corrompue, la balance est penchée. Ils ont assassiné l'un d'entre nous. Demain ce sera peut-être l'un d'entre vous. Mobiliser des unis à Villiers, de Lille à Marseille, la police doit plier. Vous êtes de retour dans le magazine Libertaire sur Jet FM. Et donc, bah, ça va être le moment de passer aux annonces. Donc, par exemple, là, j'ai deux annonces pour aujourd'hui. Un rassemblement contre les expulsions de familles frappées d'OQTF. Donc, ça se passe à 16h, place de l'Hôtel de Ville. Une vingtaine de familles avec enfants scolarisés sont frappées d'un OQTF. Elles seront expulsées dans les 10 jours. Elles sont souvent originaires d'Albanie, d'Arménie et de Géorgie. Nous craignons une rafle comme à Rennes. Nous organisons donc un rassemblement devant la mairie nazérienne qui ne répond pas aux demandes et s'avère incapable d'agir. Donc à 16h, mercredi 6 novembre, et donc c'est à Saint-Nazaire. Toujours aujourd'hui, donc, là, c'est l'impossible partage de l'eau. Donc c'est dans la relation Israël-Palestine. Dans le cadre du Festival des Solidarités Festisol, le MRAP de Nantes et l'AFPS 44 proposent une soirée débat sur l'accès à l'eau en Palestine avec le géographe Jacques Fontaine, auteur de L'eau, enjeu du conflit israélo-palestinien, et la projection du film de Frédéric Vignier, L'eau de chez nous, l'eau de chez eux. Donc ça se passe à l'espace Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes, et c'est aujourd'hui, plutôt ce soir, à partir de 19h. Alors, demain, jeudi 7 novembre, à partir de à 18h30, à l'espace Simone de Beauvoir, 15 quai Ernest Renault à Nantes, et il y a là une projection débat du documentaire Elle l'a bien cherché. Donc, Laetitia Onona est une réalisatrice de documentaires très impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et elle a consacré 7 ans de sa vie à réaliser Elle l'a bien cherché, un film sur le parcours judiciaire des victimes de viols. Confrontée aux difficultés liées aux autorisations de tournage, elle a fini par obtenir la confiance des institutions pour pouvoir tourner en immersion en commissariat de Nantes, aux unités médico-judiciaires à Paris et dans les coulisses d'un procès d'assises. Une plongée inédite dans un long et douloureux parcours qui engage la société à se poser la question du regard qu'elle porte sur les femmes victimes de viols. Donc c'est une projection débat en présence donc de la réalisatrice Laetitia Onona. Toujours demain à Rennes, à partir de 20h, il y a une soirée de soutien avec les travailleurs Chronopost sans papier. Ça se passe à Maison de quartier de Villejean. Donc on en avait parlé il y a quelques temps ici. Depuis le 11 juin, les chronos d'Alfortville sont en grève pour leur régularisation et leurs conditions de travail. Il y aura donc à Rennes une soirée et un repas de soutien avec une délégation des Chronopost en lutte d'Alfortville, donc dans le 94, et des membres du collectif des sans-papiers du 20e arrondissement. Travailler en étant privé de papier français, c'est synonyme de surexploitation, de peur de contrôle de police, de difficulté à défendre des droits au travail, comme dans la vie quotidienne. C'est devenir invisible. Sans-papier, c'est faire face au racisme, aux accusations, de voler le travail aux Français, entre guillemets, et aux humiliations. À Rennes, la situation doit nous faire réagir. Il y a 33 personnes qui ont fui la Géorgie, qui ont été expulsées de force et dans l'humiliation depuis l'aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande. Des centaines d'exilés survivent dans des conditions indignes, dans des parcs, des hangars et des parkings. Les personnes sans papier sont poussées à travailler pour des salaires infâmes comme des entreprises, les embauchant pour 5 euros de l'heure. Donc La Poste et sa filiale donc, participent pleinement à la précarité des salariés. Et donc ça se termine par solidarité avec tous et toutes les travailleurs, travailleuses, avec ou sans papier. Donc ça se passe demain à partir de 20h à la maison de quartier de Villejean, à Rennes. Et il y aura un repas à prix libre qui sera préparé par le syndicat des travailleurs sans papier de Rennes, récemment créé. Les bénéfices de la soirée iront directement dans la caisse de grève. Alors toujours à Rennes, pour la prochaine annonce, ça se passe vendredi 8 novembre. C'est une rencontre pour participer à l'organisation de la marche du samedi 7 décembre à Rennes pour soutenir le combat donc, du collectif Justice et vérité pour Babacar, donc qui a été tué par la police, par la BAC, il y a 3 ans, il me semble. Voilà, donc il y a un appel à soutien, un appel à aider donc les personnes pour la préparation de cette marche. Il y a une liste de tâches pour lesquelles les personnes ont besoin de soutien, normalement sur le, notamment sur la communication donc de la marche, de la commémoration du 7 décembre. Il y a déjà un appel qui a été lu et diffusé et que vous pouvez retrouver sur donc Justice et Vérité pour Babacar. Des personnes demandent donc de distribuer des tracts, de coller des affiches, de communiquer sur les réseaux sociaux, d'organiser des événements par rapport donc à cette marche, si c'est possible. Et pour la préparation de la marche, donc il y a besoin d'hébergement pour les personnes qui viennent de loin. Les personnes aimeraient aussi se procurer une sono et un moyen de l'alimenter et de la transporter pendant la marche, et éventuellement d'imprimer un infokiosque. Et aussi, elles aimeraient organiser un repas donc pour le samedi 7 décembre, pour que les gens puissent manger, se réchauffer et ramener donc de l'argent au collectif. Donc ça se passe donc à Rennes au CRIDEV. Alors j'ai pas pris le temps de chercher ce qu'était le CRIDEV à Rennes. C'est le 8 novembre, mais je peux envoyer sur expansive.info ou alors sur Justice et Vérité pour Babacar. L'annonce suivante, c'est à Nantes cette fois. Ça se passe le 11 novembre, lundi 11 novembre. Et c'est à la Maison du Peuple, donc la nouvelle Maison du Peuple de Nantes, qui se situe 17 rue du Chapeau Rouge. À Nantes, donc. Et c'est une assemblée commune, la première assemblée commune dans cet espace. Une journée pour se réunir, se rencontrer, discuter des collectifs, associations, syndicats, mouvements de lutte, toutes celles et tous ceux qui forment les forces actives de la ville. C'est une journée pour penser ensemble des sujets prioritaires sur lesquels faire converger les actions pour multiplier leurs impacts, et une journée pour réfléchir ensemble à des ressources qui pourraient être mutualisées ou créées ou qui pourraient être créées pour faciliter le quotidien militant. Donc rendez-vous le 11 novembre à 11h pour la première édition de l'Assemblée commune, une journée entière pour se rencontrer, prendre le temps de discuter. Pour faciliter l'organisation, vous pouvez proposer en amont un sujet que vous souhaitez voir abordé le jour de l'Assemblée. Pour plus d'infos ou pour proposer un sujet, ça se passe sur le blog de l'Assemblée commune, http://assemblee-commune-nantes.org. Est-ce qu'on a d'autres annonces ? Non, on n'en a plus. Est-ce qu'on a peut-être un petit morceau de musique en réserve avant de se dire au revoir ? Petit morceau de musique. Dream a couple hundred million workers, it's all that they see. Our hands in the tools, money writing the rules, from the sweatshop prisons to the cops and the schools. Got the middle class living like it's gonna last, working longer, harder hours for less and less cash. Got the media spins, Republicrat twins. Got the war profiteer for great executive grins. Got the heroin running through the veins of the poor. Got the ghettos locked down, paying blood for the war. Got the cities decay, the dealers to pay, and the death squads working for the CIA. Got a million new jobs, 30,000 new jails, outsourcing the unions, profit tipping the scales. Got a brainwashed youth, a trumped up truth. Got snipers armed with rifles on the factory roof. You got a 30-minute speech full of oohs and ahs. Got the cops armed tough, out there breaking the laws. Got a front row seat to your own defeat. You got the tear gas canisters filling the street. the laws all written for the rich and the white. Trick the rest of them fools into the army to fight. In a dead-end game, each war the same. You got a land and a people and a market to claim. Got a woman beaten down everywhere that you look. In the schools, in the jails, in the courts, in the books. Got the TV set, sexism's outlet. Not a culture full of men talk the fall for that shit. Yeah, and I do too. I'm not blaming you, but I'm trying to unlearn what they said was true. Yeah, and I need help, I'm not afraid to say it. It's a subliminal tool, sometimes it's hard to see it. Job in the office, you got your own room. You got the pen and the paper and the drive to consume. Got the suit pressed in, got the myth that you'll win. And the raise to replace true ambition. You're gonna move up the ladder at the company speed. Gotta learn to dance quick to the company's greed. Gotta justify every step that you can. With your eyes closed tight and your head in the sand. You gotta fight the desire to fight the police. You gotta fight your heart and your every belief. You gotta trust the leader, whatever he says. With the flag held high, yeah, you're already dead. You already gave up if you took their advice, if you played their game. You paid their price and you're gone, gone, gone. Yeah, there's no coming back till you realize your potential. Raise your fist in the air. See, if we look to each other and ourselves and ignore the phony remedies they stock on the shelves, we can undermine the greed on which the system depends and hope to build a new world based on lovers and friends. We gotta build from the bottom what we want at the top. We gotta work together if we want this to stop. From the fake grassroots to the top of the tree, I aim for peace and justice and anarchy. I want peace and justice and anarchy. I want peace and justice and anarchy. I want peace and justice and anarchie. Vous êtes toujours sur le magazine Libertaire, sur Jet FM, comme tous les mercredis midi. Et avant de se dire au revoir, moi je voulais faire les petites pubs radio, parce que j'aime bien faire les petites pubs radio. Alors, on l'a déjà annoncé, mais on va le réannoncer. Il y a la chronique Bâtir aussi. Qui est diffusé sur Jet FM, donc toujours sur le 91.2 du côté de Nantes. Et cette chronique Bâtir aussi, c'est les lectures du bouquin du même nom qui s'appelle Bâtir aussi, que je vous invite à écouter et à lire si vous avez l'occasion de tomber sur le bouquin. Et la deuxième annonce que je voulais faire, c'était l'émission Casse-Muraille, qui est une émission de messagerie pour les détenus et leurs proches. Et du coup, c'est une émission que vous pouvez écouter tous les dimanches à midi sur Jet FM. Et je ne sais pas s'il y avait des choses à rajouter. Non. Non. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. À midi 5. Et on vous souhaite une bonne semaine. Carrément. Ciao. Ciao. Ciao. Bonne semaine. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Paquet plein de délices. Petit cylindre de lait. Parfum d'or et d'épices, et volute et sorcière, braise dans la nuit blanche, espoir et allégresse, noces et petits dimanches, tiges enchanteresses, sexe bleu, liqueur douce, charme puissant mensonge, ciel pâle, odeur de rousse, énigmatique songe. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume